Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons maintenant parler voyage dans des contrées lointaines. Des gens qui partent à pied, en vélo, en kayak ou de toute autre façon aux confins du monde. Ces amateurs de contrées lointaines sont en effet de précieux collaborateurs de la recherche scientifique et Camille Villefebvre va nous dire comment. Bonjour Camille. Bonjour François, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui. Alors oui, c'est un projet qui a été fondé en 2011 par M. Craig Trenish, un jeune biologiste et sociologue de formation qui a un parcours assez étonnant. Donc, vite fait, M. Trenish est un passionné de plein air et de science. Mm-hmm. En 2008, il a été nommé aventurier de l'année à moins de 30 ans par la prestigieuse revue National Geographic à la suite d'une traversée des Andes, soit en Amérique du Sud, sur plus de 12 500 kilomètres en un peu moins de 2 ans. Pendant son périple, il a fait la rencontre de plusieurs autres passionnés comme lui d'aventure et de grand air. Il a constaté que, comme lui, ces aventuriers-là étaient désireux de non seulement atteindre les endroits les plus reculés de la planète, mais également de poser des gestes significatifs envers les lieux qu'ils visitaient. Une chose qui n'est vraiment pas simple à effectuer lorsque les gens sont en voyage ou encore en sortie de plein air comme celle-là. Donc, suite à de longues réflexions, il a décidé de fonder un organisme à but non lucratif, soit le Adventure Scientist, afin de créer un pont entre les scientifiques et les amateurs de plein air. Tout ça semble un très beau projet, mais y avait-il un réel besoin de la part de la communauté scientifique de s'associer à des amateurs de plein air comme ça? Oui. En fait, le principe de cet organisme est très simple et vient répondre à deux besoins en particulier. Le premier, c'est celui des aventuriers à contribuer à la science, tel que mentionné plus tôt. Puis, le second besoin, c'est celui des chercheurs qui se trouvent souvent vis-à-vis un problème de main-d'œuvre pour la collecte de données. Du temps nécessaire aussi pour l'échantillonnage, puisque ça exige beaucoup de temps. Et les limites spatiales aussi qui peuvent être contraignantes de l'échantillonnage. Donc, parfois, les chercheurs doivent limiter leur terrain de recherche. Okay. Donc, en créant un lien entre les chercheurs et les plénéristes, l'organisme permet d'ouvrir les horizons de la science, puisque les chercheurs ont accès à un immense territoire, voire un territoire mondial, et à des volontaires qui sont désormais à leur disposition pour collecter autant d'échantillons que possible afin de mener à bien leurs recherches. Je trouve ça très intéressant. Mais comment est-ce que tout ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un risque pour la fiabilité de la collecte des données puisqu'elle n'est pas réalisée par les chercheurs eux-mêmes? En effet, il y a lieu de se poser la question puisque tout scientifique le sait. Lorsqu'il est question de la méthodologie et principalement de la collecte de données, les protocoles sont généralement stricts et doivent être suivis à la lettre si les chercheurs ne veulent pas avoir des biais dans leurs données. C'est important d'avoir des bonnes données aussi, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, le fonctionnement de l'organisme est simple. Le ou les chercheurs doivent déposer leur projet de recherche à l'organisme dans un premier temps, puis une évaluation est réalisée selon trois critères. Mm-hmm. Excusez-moi. Donc, tout d'abord, ils doivent se concentrer sur... la recherche doit se concentrer sur un problème de nature environnementale, dont la méthodologie a préalablement été confrontée à un problème de collecte de données. Mm-hmm. Deuxièmement, il doit avoir un lien direct entre les résultats de l'étude et un impact, au final, sur la conservation de l'environnement. Puis, il doit avoir un besoin clair d'un réseau d'aventuriers scientifiques pour la collecte de données. Donc, en ce qui concerne le recrutement des amateurs de plein air, nommés aventuriers scientifiques par l'organisme, il est réalisé par le biais du site Internet. Donc, les gens peuvent déposer leur candidature sur une base bénévole. Une formation leur est donnée pour la collecte de données. Elle peut être donnée en personne ou encore en ligne là, selon les besoins et les caractéristiques du protocole de recherche. Et c'est important, là. Tout à fait. À la suite de cette formation-là, les gens vont recevoir l'équipement nécessaire à la collecte de données, soit en personne ou par la poste. Puis, ils vont collecter les données sur place pendant leur excursion de plein air, puis renvoyer les échantillons par la poste. Un élément à considérer, c'est le bagage ou l'expérience terrain que détiennent les adeptes de plein air, qui est vraiment non négligeable. Grâce à celle-ci, ils peuvent s'aventurer plus aisément dans des lieux, dans les lieux les plus reculés de la planète, comme au sommet de glaciers, par exemple, en pouvant se concentrer sur la méthodologie et l'échantillonnage seulement, puisque dans le fond, ils détiennent déjà les habiletés physiques et techniques pour se rendre à ces endroits-là. Exactement. Chose que peut-être pas tous les scientifiques ont comme capacité physique, là. Exactement. Donc, c'est vraiment une combinaison gagnante pour les deux parties qui se réunissent à travers un projet et principalement, cela permet d'accélérer ou d'amplifier l'étendue des études. En effet, ce projet répond à un besoin de recherche et permet un certain partage des connaissances même. Quels sont les types de projets qui sont en cours présentement? En ce moment, il y a 4 projets qui se déroulent et il y en a 12 qui ont été menés à terme. Donc, depuis 2011. Parmi les projets en cours, le plus imposant en termes d'étendue spatiale et même de partenariat avec des aventuriers scientifiques, c'est celui du Worldwide Microplastics Initiative. Okay. Donc, depuis 2013, donc quand même depuis 4 ans, ce sont des milliers d'aventuriers scientifiques formés par Internet, là, donc pas fermé en personne, mais par le biais d'Internet, qui ont collecté des échantillons d'eau un peu partout à travers la planète, soit de l'Antarctique au fleuve Mississippi, à la mer Rouge, au Groenland, à la mer d'Asie du Sud, bref, autant en eau douce qu'en eau salée. Une carte, d'ailleurs, est accessible sur le site Internet de l'organisme pour les curieux, si jamais vous êtes intéressés là, à voir où est-ce que les échantillons ont été collectés. On peut le voir et on peut également voir s'ils contenaient des traces ou non de microplastiques. Okay. Donc, parmi les amateurs de plein air qui ont participé à cette collecte de données, on compte des kayakistes, des surfeurs, des plongeurs, des personnes même qui parcouraient de longues distances en voilier, des randonneurs, etc. Donc, les analyses jusqu'à présent démontrent que la moitié de l'eau douce est contaminée par la présence de microplastiques, soit des particules d'une taille inférieure de 5 mm. D'ailleurs, une autre étude qui est présentement en cours, qui est menée sur des glaciers, trouve des traces de microbilles de plastique dans des lieux qui n'ont jamais été fréquentés par l'homme. C'est un fait. Donc, bon, les conclusions de cette analyse-là ne sont pas encore menées à terme parce que la recherche est toujours en cours, mais il y a quand même des données qui sont très intéressantes ici. Mm-hmm. Là. Donc, en fait, ces microplastiques-là sont notamment présents dans certains produits cosmétiques, dans les vêtements également, qui sont drainés par l'eau lors du lavage. Et principalement aussi par des débris de matière là, en plastique qui viennent en décomposition, comme les bouteilles de plastique, par exemple. Donc, les données, même préliminaires de cette recherche-là, ont quand même mis à disposition, en fait, sont mises à disposition des entreprises, des gouvernements et de la population. Elles ont même été en partie utilisées dans le procédé de création du parc marin des Palaos, une république composée de plusieurs petites îles situées dans le Pacifique Sud. Et ces données-là ont également inspiré des entreprises à réduire leur utilisation de plastique. Ici, on pense en restauration qui ont arrêté de, par exemple, fournir des assiettes en plastique, des ustensiles en plastique et aussi des pailles. Oui, donc, oui, je les ai d'ailleurs, on se demande pourquoi les gouvernements ne légifèrent pas contre ça aussi, là, les ustensiles en plastique, les assiettes en plastique? Oui, il y a des gouvernements comme en France, par exemple, qui commencent à emboîter le pas là, dans cette direction-là. Donc, on peut observer dans ce cas-ci l'impact direct qu'a eu cette étude sur des milieux problématiques et sur des interventions gouvernementales. Je finirai en soulignant que les changements qui s'opèrent présentement en recherche, plus précisément dans la participation citoyenne en sciences, c'est visible là, à travers des projets comme celui-ci de liaison entre les amateurs de plein air et les scientifiques. Donc, grâce à Internet, mais aussi à la création de réseaux, il est désormais possible d'étendre les limites des terrains de recherche, d'atteindre des sites difficilement accessibles, voire inaccessibles pour plusieurs d'entre nous et des chercheurs, et de multiplier les échantillons à collecter et analyser. Donc, tout ça, ça ouvre un champ de possibilités pour la science qui était jusque-là inimaginable et qui va sûrement, même probablement, là, influencer la façon de préparer les procédés méthodologiques pour plusieurs chercheurs là, dans le futur. Est-ce que tu veux aussi rappeler l'adresse du site Internet? Oui, donc vous pouvez aller taper sur Google Scientific je suis en train de dire n'importe quoi, là, je pense Adventure Scientifics, donc au pluriel. Puis vous allez voir sur le site internet, c'est vraiment, vous pouvez vous inscrire si vous voulez devenir un bénévole, que vous voulez prendre, avoir une petite formation en ligne, recevoir des échantillons par la poste. La recherche que j'ai parlé présentement pour les microbes, malheureusement, là, il accepte plus personne pour collecter les données, mais il y a d'autres recherches en cours, puis il y en a sûrement aussi à venir. Puis il y a plusieurs vidéos sur les recherches passées et présentes qui sont animées par les chercheurs, puis on peut voir toutes leurs démarches scientifiques, où est-ce qu'ils en sont, puis c'est quoi la part des amateurs de plein air dans leurs recherches. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Alors, on va passer en publicité sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous emmène au Maroc il y a 300 000 ans.